Job chapitre 18. Alors Bilda, suite, prit la parole, et dit, « Quand finirez-vous ces discours ? Écoutez, et puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme bêtes, et pourquoi nous tenez-vous pour souillés ? Ô toi, qui te déchires toi-même en ta fureur, la terre sera-t-elle abandonnée à cause de toi, et les rochers seront-ils transportés de leur place ? Certainement la lumière des méchants sera éteinte, et l'étincelle de leur feu ne reluira point. La lumière sera obscurcie dans la tente de chacun d'eux, et la lampe qui éclairait au-dessus d'eux sera éteinte. Les démarches de sa force seront resserrées, et son conseil le renversera. Car il sera enlacé par ses pieds dans les filets, et il marchera sur des raies. Le lacet lui saisira le talon, et le voleur, le saisissant, en aura le dessus. Son piège est caché dans la terre, et sa trappe cachée sur son sentier. Les terreurs l'assiégeront de tous côtés, et le feront courir çà et là de ses pieds. Sa force sera affamée, et la calamité sera toujours à son côté. Le premier-né de la mort dévorera ce qui soutient sa peau, il dévorera, dis-je, ce qui le soutient. Les choses en quoi il mettait sa confiance, seront arrachées de sa tente, et il sera conduit vers le roi des épouvantements. On habitera dans sa tente, sans qu'elle soit plus à lui, et le soufre sera répandu sur sa maison de plaisance. Ses racines sécheront au-dessous, et ses branches seront coupées en haut. Sa mémoire périra sur la terre, et on ne parlera plus de son nom dans les places. On le chassera de la lumière dans les ténèbres, et il sera exterminé du monde. Il n'aura ni fils, ni petit-fils parmi son peuple, et il n'aura personne qui lui survive dans ses demeures. Ceux qui seront venus après lui, seront étonnés de son jour, et ceux qui auront été avant lui, en seront saisis d'horreur. Certainement telles seront les demeures du pervers, et tel sera le lieu de celui qui n'a point reconnu le Dieu fort.